De l'huile dans les rouages sur Fadjet. De l'huile dans les rouages, c'est votre chronique hebdomadaire qui est proposée par Noémie. Bonjour. Bonjour Yves. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va bien. On parle depuis quelques chroniques maintenant de conflits. On a parlé de nos vacances. Voilà, on s'est mis d'accord, ça y est, tout va bien, on va en Corse. C'est parfait. On va continuer quand même parler encore de ce sujet de conflit avec des outils aussi, peut-être pour les régler. Oui, d'autres outils que la communication non violente. Donc notamment aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la notion de cadre. Alors le cadre, c'est quoi? C'est une référence neutre en fait que tout le monde est censé connaître là où on est. Ça peut être quelque chose de très officiel comme une loi, un règlement intérieur d'un établissement, une fiche de poste, un contrat d'embauche, un contrat de mariage, et puis aussi les règles de la classe ou les règles de la maison. Et l'avantage de se référer à un cadre alors? Eh ben, c'est que c'est pas quelque chose de personnel, c'est pas en fonction de la personne et de notre humeur du jour qui va s'appliquer. Donc, quel que soit notre état, quand on se réfère au cadre, eh bien, c'est quelque chose de neutre sur lequel on s'appuie. Alors, il y a des exemples concrets, on peut peut-être en donner quelques-uns. Oui, alors ben en mode préventif, par exemple, je suis un parent et on va faire les magasins avec les enfants. Il peut arriver qu'ils réclament des choses, etc. Si on veut un petit peu éviter de perdre de l'énergie, ça c'est un des avantages forts du cadre, le gain d'énergie, c'est d'annoncer avant. Donc là, on va rentrer dans ce magasin. On est parti pour acheter telle chose et telle chose. Si toi, tu veux quelque chose, en fonction de son âge, tu as ton budget. Donc, tu utilises ton budget et c'est pas négociable, il n'y aura rien d'autre. Donc, même si c'est pas quelque chose d'écrit, signé, on cadre les choses, on met des limites, en fait. Voilà, on se réfère après à ce qu'on a dit juste avant d'entrer. Voilà, et c'est quelque chose de clair, qui prend pas 300 ans. Et le fait de ritualiser les choses, c'est mettre un cadre, en fait. Par exemple, pareil, dans le cadre de la parentalité, le soir, le rituel pipi, les dents et au lit, c'est quelque chose, on sait que c'est comme ça, c'est répétitif, donc ça évite de perdre de l'énergie à négocier des choses, et on s'appuie dessus, et aussi c'est très très sécurisant pour les enfants, comme pour les adultes, un cadre. Effectivement, et dans le cadre du travail, là aussi, il y a beaucoup d'occasions de se référer à un cadre. Oui, par exemple, la fiche de poste, si on veut contester l'attribution des congés, si on veut contester un mode de rémunération, etc., faut se référer à sa fiche de poste. Tiens, on m'a donné une tâche qui n'est pas dans ma fiche de poste, je suis en droit de la refuser, par exemple. Ça, c'est très important. Ou alors, dans le cadre du travail, les lieux de vie en commun, une petite affiche qui dit dans la cuisine, merci de rendre les lieux propres, etc., c'est aussi un cadre auquel on se réfère. C'est pas une personne qui nous donne un ordre, c'est par rapport à la vie en communauté. Et quand il y a eu une crise aussi, ça peut permettre de régler ces crises. Voilà, s'il y a déjà eu une crise et qu'on n'a pas réussi à la résoudre, eh bien, on s'y réfère au cadre. Donc, aussi dans le cadre plus général de la vie de tous les jours, on peut penser à la loi. On a grillé un feu rouge ou il y a un divorce, etc. C'est la convention de divorce qui règle les choses. Des fois, on peut faire les choses à l'amiable, mais quand les choses redeviennent tendues, revenez au cadre et comme ça, il n'y a pas besoin de dire t'es gentil, t'es pas gentil. Non, c'est la convention. C'est pas une histoire d'être gentil, pas gentil. Ou l'amende qui arrive quand on a grillé un feu ou la sanction qui arrive derrière, c'est le cadre de la loi. Ça permet de gérer quand il y a eu un problème, se référer à quelque chose pour retrouver une solution quand on n'arrive pas à la trouver par nous-mêmes. Donc voilà, ça c'est un outil simple, clair, une règle, on la respecte ou on la respecte pas, mais voilà. C'est simple. Ouais, des petits ajouts quand même, un cadre, oui. Il va être d'autant mieux respecté s'il a du sens pour les gens et s'il est avec des objectifs réalistes, s'il est compris. Sinon, il y a de grandes chances qu'il soit enfreint. Donc des fois, si on se rend compte qu'une règle, elle est enfreinte très régulièrement, en fait, c'est qu'elle n'est pas adaptée à la situation. Et c'est qu'elle n'est pas vivable, ou que la société, par exemple, a évolué, ou que la vie de la famille a évolué, par exemple, l'heure du coucher d'un enfant, en fonction de son âge, ou des choses comme ça. Donc, il va être d'autant plus efficace et suivi s'il a été co-construit. C'est pas toujours possible, mais quand ça l'est, s'il est construit ensemble et s'il fait sens pour tout le monde qui est là, eh ben, il va être d'autant mieux suivi. Parfait. Si j'ai 25 ans et qu'on me dit encore pipi les dents au lit, voilà. Faut changer la règle. T'as tout compris. On continuera dans la prochaine chronique à parler du conflit et d'autres outils. Oui, notamment quand on est vraiment en plein dans la crise. Eh bien, à la prochaine. À la prochaine, Yves. Si vous avez envie que l'on aborde des sujets précis, des questions à poser, des témoignages à partager concernant les outils évoqués, écrivez-nous à contact@fadjet.net.